Vous écoutez France Culture. Premier temps d'une nouvelle semaine de la Fabrique de l'Histoire pendant laquelle nous allons nous plonger dans une période mal connue de l'histoire de France, celle de Louis-Philippe. Demain, nous nous intéresserons à une des nombreuses utopies communautaires de ces années 1830, décrites par ceux qui, à plus d'un siècle et demi de distance, en ont hérité. Mercredi, dans l'émission d'archives, nous débattrons de Béranger, compositeur et chansonnier, dont on relit de façon nouvelle depuis peu l'œuvre trop souvent cantonnée à un éloge de Napoléon. Jeudi, nous tenterons de comprendre ce qu'était véritablement le régime de Louis-Philippe. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons nous promener à Versailles en compagnie de l'historien Pierre Nora. Pierre Nora vient de publier « Recherche de la France » chez Gallimard, un recueil de contributions et d'articles qui, depuis les années 60, s'intéresse au récit national, que ce soit autour de Michelet, par exemple, de Lavis, de Larousse ou encore de Ferdinand Buisson. Pour évoquer ce 19e siècle des historiens et des pédagogues, quoi de mieux que de se rendre dans ce lieu que Louis-Philippe voulut comme un musée pédagogique de l'histoire de France par l'image, si souvent visité depuis par d'autres professeurs d'histoire comme Raoul Girardet, historien du nationalisme récemment disparu, avec ses étudiants. Et là, c'est Frédéric Lacaille, donc, qui est conservateur à Versailles, qui nous accueille avec Pierre Nora et qui nous fait visiter 3 ou 4 endroits de cet immense musée qui rassemblait plusieurs milliers de tableaux sur l'histoire de France. Pierre Nora, bonjour. Bonjour Emmanuel. Merci d'être avec nous dans un endroit un peu particulier puisque nous sommes accueillis par Frédéric Lacaille. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable ici des peintures de cette galerie historique dans laquelle nous sommes actuellement, puisque nous sommes à Versailles avec vous. Et Pierre Nora, j'ai eu envie, et vous avez accepté, je vous en remercie, de venir à Versailles avec vous à l'occasion de la parution de votre dernier ouvrage, qui est un ouvrage qui s'appelle « Recherche de la France », donc qui reprend d'ailleurs un vieux titre, d'après ce que vous dites, un titre qui remonte au XVIe siècle. Guerre de religion. Voilà, oui. Aux guerres de religion. Sur Étienne Pasquier, voilà. Qui est un des premiers grands historiens de la France, et qui, surtout à une époque où l'on était encore sur l'idée de la monarchie héritière de la légende troyenne et des héros, a fait, à travers ce titre très moderne, Recherche de la France, des explorations destiné au fond à montrer que la France existait avant ses rois et que le passé gaulois était le vrai passé de la France. Voilà. Et au fond, on peut trouver, mais enfin, ce serait long à développer, des espèces de correspondances entre l'époque des guerres de religion, entre la nécessité de retrouver un type d'histoire qui, à l'époque, était monarchique et qui, aujourd'hui, serait évidemment républicain et démocratique. Bref, oui, j'ai mis mon livre sous la... Sous la houlette, sous le signe de ce grand gallican qu'a été Étienne Pasquier. Alors nous sommes avec vous dans ce qu'on appelle habituellement, est-ce qu'on appelle cela encore le musée de l'histoire de France, ici, Frédéric Lacaille, ou est-ce que cela porte un autre nom ? Oui, on l'appelle le musée de l'histoire de France, plutôt, j'aime bien l'appeler par celui de redonner son nom de l'époque de Louis-Philippe, c'est-à-dire les galeries historiques de Versailles, pour le distinguer des appartements historiques. C'est un musée extraordinaire. Qui n'est pas un musée, c'est ça qui est fou. Et l'histoire même de ce musée fait partie de ce qu'il faut savoir pour le comprendre et pour l'aimer. Parce que c'est le fruit d'un grand projet très original de Louis-Philippe, je peux même dire peut-être la grande pensée du règne, qui a été la refondation d'un Versailles devenu désert et qui n'était plus le centre de l'État, en un vaste musée de réconciliation de toutes les gloires de la France. Alors c'est assez extraordinaire pour un historien de la mémoire que j'étais de voir cette réutilisation d'un lieu aussi fortement marqué par la centralisation monarchique redevenir ou devenir une sorte de grande évocation muséographique de la France. Alors, il faut dire tout de suite que c'est une ruine de ce projet que nous voyons pratiquement. Parce que, et je parle devant M. Lacaille qui est beaucoup plus informé que moi-même, mais que le grand conservateur qui a été à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, Pierre de Nolhac, sous la Troisième République, n'a eu de cesse de détruire tout ce qui pouvait rappeler le souvenir de Louis-Philippe pour retrouver les décorations et la grandeur de Louis XIV, à un moment où Versailles était au fond, pas en odeur de sainteté dans la République, parce qu'elle était marquée par la monarchie elle-même. Donc c'était une entreprise qu'il considérait comme un grand sauvetage de mémoire, lui aussi. Et il a très largement détruit ce que Louis-Philippe avait fait. Il n'en reste précisément que cette galerie des batailles, qui est l'illustration de toutes les grandes gloires militaires de la France, et se termine par son apothéose de 1830, de sa prise de pouvoir. Alors, c'est un très drôle de musée. Monsieur Lacaille disait, on va l'appeler les galeries historiques. Est-ce que c'est en même temps un musée national? On ne peut pas savoir. Moi, j'avais fait faire autrefois une étude sur cette iconographie. Il en ressortait que près de 40% des illustrations des manuels scolaires venaient d'ici, venaient de Versailles, alors qu'il y en avait 15 à 20% qui venaient du Louvre. Et donc c'était surtout des... Alors c'est quand même extraordinaire que ce musée, qui est d'ailleurs très difficile à visiter parce que les salles ne sont pas systématiquement ouvertes par manque de gardiennage, par manque d'entretien des parquets où les gens, si nombreux à Versailles, risqueraient de tomber dans l'étage inférieur. Et donc c'est un musée très... par morceaux, partiels, tantôt ouverts, tantôt fermés. On ne sait pas très bien ce qui est ouvert ni ce qui est fermé. Il n'a rien de systématique et il est fait de strates multiples qui finissent par permettre de voir ici des portraits qui sont fondamentalement anti-monarchiques, comme Marat, par exemple, n'est-ce pas, qui a été, je crois. Et en plus, on ne sait pas ce qui est vrai, on ne sait pas ce qui est faux, parce qu'il y a eu de tels échanges avec le Louvre qui, quand il refusait de prêter ses tableaux ou de les donner, on les copiait. Mm-hmm. Donc on ne sait plus très bien. Je parle encore une fois sous votre responsabilité, j'espère ne pas dire trop de bêtises. Mais c'est inouï, parce que Louis-Philippe a quand même fait venir à peu près 3000... peinture, sculpture, il est venu 400 fois ici pendant, je crois, le chantier. Donc ça prouve que cette espèce de musée oublié, caché, cassé, comme on dit, Claire Constant, par exemple, je crois qu'il a beaucoup écrit sur ce musée, lui donne un caractère de bric-à-brac magique. Ah oui. Si j'ose dire, et qui est extraordinaire, de cours des miracles, à la fois touristique et incompris. Frédéric Lacaille, justement, combien de tableaux sont encore présents de cette iconographie voulue par Louis-Philippe pour pouvoir réconcilier les deux France, pourrait-on dire, celle de la monarchie et celle de la Révolution française? Pratiquement tout, en fait, pratiquement tout est là. Simplement, beaucoup d'œuvres sont en réserve, en fait, parce qu'effectivement, Pierre de Nolhac, dont parlait M. Nora, a torpillé, en quelque sorte, le projet de Louis-Philippe. Il a démonté le musée, il a séparé le bon grain de l'ivraie, c'est-à-dire garder les peintures anciennes commandées par les régimes qui avaient précédé Louis-Philippe, et finalement stocker tout le reste des commandes de Louis-Philippe en réserve. Donc il y a des choses depuis qui ont été déposées à droite et à gauche, mais l'ensemble des collections est encore à Versailles. Alors, on est dans cette salle de 1830, Pierre Nora, et nous sommes dans une semaine de la Fabrique de l'Histoire qui sera consacrée à Louis-Philippe, effectivement un personnage relativement oublié de l'histoire de France, mais qui n'est pas oublié dans votre livre « Recherche de la France », Pierre Nora, oui. Parce que, en fait, c'est au moment de Louis-Philippe que s'établit une première grande vulgate de l'histoire de France. Il y a non seulement les tableaux qu'il commande, mais il y a aussi tous les écrivains de l'histoire de France qui se mettent à l'œuvre. Les Augustin Thierry, son frère, Michelet et tous les autres qui, dans cette période entre 1830 et 1848, commencent à établir ce qui sera, ce qui deviendra pour tous l'histoire de France dans ce contexte de volonté Louis-Philippe de réconciliation entre ces deux France, donc issues de la Révolution française et celle de l'Ancien Régime, en l'occurrence, Pierre Nora. Mais exactement. Moi, ce qui m'a fasciné, je dirais, attiré aussi vers cette période, c'est qu'au fond, c'est une période qui est historiquement et politiquement un peu vide et mémoriellement et du point de vue de l'historiographie extraordinairement riche. C'est le moment où effectivement la génération qui est née à la fin de la Révolution française dans les années 1800, celle de Augustin Thierry puis celle de Michelet, va partir à la recherche du passé de la France. Il ne faut pas oublier que tous ces gens-là n'étaient pas, ils se sont déclarés historiens, mais avant tout c'était les politiques qui étaient du Parti libéral et qui cherchaient contre la Restauration à retrouver, à militer pour un passé retrouvé de type populaire et de type national par rapport à cette monarchie restaurée. Et c'est l'époque, par exemple, où des historiens comme Guizot, avec beaucoup d'autres, comme Montmerquet, par exemple, ont constitué des recueils de mémoires. Je crois qu'il y a eu plus de 500 à 600 mémoires de l'histoire de France qui ont été retrouvées et publiées dans de grandes collections entre 1820 et 1840-45. C'était là précisément l'époque, la fin de la monarchie, et la fin de la Restauration et le début de la monarchie de Juillet. Et c'est le moment, donc, où, comme vous le disiez, se constitue la première forme d'histoire proprement nationale. En gros, c'était la France n'a pas vraiment d'histoire. C'est à nous de la lui écrire et de la lui constituer. Voilà. Alors, c'est une histoire intéressante parce que c'est une histoire qui se veut réconciliée. Donc, Louis-Philippe, donc issu du. Enfin, pas tellement. Louis-Philippe, oui. Mais ni Augustin Thierry ni Michelin ne feront une histoire réconciliée. C'est au contraire une histoire extrêmement combative, fortement populaire, qui discrédite la monarchie en gros, qui en fait un tri entre les bons et les mauvais rois de la France et qui constitue la grande légende qui sera la légende républicaine de la France à la fin du siècle. Mais c'est au contraire, il ne faut pas oublier que Michelet a été au contraire destitué de sa chaire par Napoléon III ensuite, bref, qu'il a été considéré comme un opposant irréductible au régime et que Augustin Thierry était considéré comme un libéral militant à une époque de monarchie qui, à partir de 1825, a pris des allures extrêmement autoritaires et réactionnaires, pour tout dire. Alors, que nous disent ces tableaux de la salle de 1830, donc, qui sont des tableaux à la gloire de Louis-Philippe? En l'occurrence, on en a un énorme en face de nous, qui s'appelle l'arrivée du duc d'Orléans sur la place de l'Hôtel de Ville, donc le 31 juillet 1830, où on voit un Louis-Philippe à cheval avec son collant blanc, donc, et puis paré de toutes ses décorations, autour duquel la foule s'assemble avec des drapeaux français, des drapeaux bleu, blanc, rouge. Oui. Ça nous dit quoi, cela, Pierre-Nora? Ça nous dit effectivement la pensée de réconciliation artificielle du trône et du peuple, dans lequel lui-même, avec des aventures révolutionnaires qui le laissaient proche de la Révolution française, ou du moins lui permettaient de la comprendre, et avec une apologie, on va le voir peut-être un peu plus tard, du Premier Empire, puisqu'il a fait ici, il a réuni, combien va nous dire la carte? Plus de 30 toiles, non? Combien? Beaucoup plus. Des centaines de tableaux. Des centaines de tableaux napoléoniens. Tous les tableaux commandés par l'empereur, pratiquement. Tous les tableaux commandés par l'empereur. Alors, c'est donc quand même dire que sur ce plan de l'imagerie, de l'iconographie, il a entrepris une œuvre active de réconciliation mémorielle forte. Extrêmement forte, dont effectivement 1830 paraît un peu et très artificiellement l'apogée. Alors, qui sont ces peintres qui travaillent pour ce très grand musée que veut Louis-Philippe, Frédéric Lacaille? Ce sont les peintres qui ont déjà travaillé pour Napoléon, qui ont déjà travaillé pour la Restauration? Tous les peintres disponibles, j'allais dire, sur le marché. Et finalement, dans l'idée de Louis-Philippe, on ne privilégie pas un mouvement ou l'autre. Louis-Philippe n'est pas un passionné de peinture, ça n'est pas du tout son propos. Ce qui l'intéresse, c'est le message que va faire passer cette peinture. Donc on fait appel à tous les peintres parce que le chantier de Versailles est tel qu'il fournit du travail pour tout le monde. Il ne faut pas oublier, on va le voir dans la galerie des batailles, qui a quand même un grand Delacroix, qui est là à côté de la bataille de Bouvines, sur la bataille de Taillebourg, et qui est un tableau absolument magnifique. Et donc il a composé la galerie des batailles sur laquelle Thomas Gaines a écrit lui-même sa thèse et beaucoup beaucoup glosé, c'est le meilleur des connaisseurs de cette galerie des batailles. Le montre assez bien, comme dit M. Lacaille, ça a été le grand entrepreneur artistique du Louis-Philippe, du règne. Et tout est venu. C'est en 1837 qu'a été, je crois, inauguré ce musée, dans une grande fête dont toutes les mémoires de l'époque parlent comme de l'apothéose de la réunion de l'Europe entière, enfin revenue à Versailles, mais à un Versailles reconstitué, rénové dans un autre esprit que l'esprit Louis XIVien, et qui constitue un des grands moments du règne. Alors on va passer de cette salle de 1830 à la salle qui est juste voisine. En fait, on fait un chemin à l'envers, Frédéric Lacaille, puisque c'était l'apothéose, cette salle de 1830, qui montrait d'une certaine façon Louis-Philippe comme étant l'apogée de cette histoire. Mais au bout du compte, on va revenir en arrière pour revenir à travers les siècles, vers les périodes les plus anciennes, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, la salle de 1830 concluait ce musée de Louis-Philippe au moment de l'inauguration en 1837. Et elle montrait, et tout le cheminement du musée d'ailleurs le montrait, que finalement, il n'y avait qu'un choix possible pour la France en 1830, c'était ce Louis-Philippe, qui est un souverain éclairé, libéral, un prince qui a vu du pays aussi, et qui a voyagé, et qui est beaucoup plus ouvert sur le monde. Qui s'est mêlé à la Révolution, qui, d'une certaine façon, qui en a réchappé lui-même. Et tout le musée est organisé, comme le dit monsieur, pour montrer que l'histoire de France tout entière aboutit à Louis-Philippe. Je vous propose d'aller à la salle voisine et de nous y retrouver tous ensemble. Alors nous avons un peu avancé avec vous, Pierre Nora, et vous, Frédéric Lacaille, dans cette galerie des batailles, qui est un très beau morceau d'architecture, entièrement recouvert donc par de chaque côté par de grands tableaux de bataille. Et nous sommes devant l'illustration de ce que vous nous disiez tout à l'heure, Pierre Nora, de cette volonté de Louis-Philippe de réconcilier les deux mémoires de la France, celle de la Révolution et celle de la royauté, puisqu'il y a face à nous, d'un côté, le siège de Yorktown, donc par M. Auguste Couder, donc un grand moment de l'aide du roi de France, Louis XVI, aux insurgés américains, et de l'autre côté, la bataille de Fleurus, gagnée par le général Jourdan en 1794. Donc, les deux Frances cohabitent dans l'esprit de Louis-Philippe. Et est-ce que c'est le cas dans l'esprit de ces historiens sur lesquels vous avez travaillé du 19e siècle? Non. Ou est-ce qu'ils veulent eux aussi rassembler cette mémoire de la France en reprenant certains des rois et certaines des batailles de la royauté en même temps que la République? Non, non. Vous mettez l'accent sur un contraste qui est quand même assez frappant entre cette tentative étatique de Louis-Philippe, qui a abouti à cette salle, qui est en effet une des rares salles que Pierre de Nolhac a véritablement conservée telle qu'elle était. Elle est tellement impressionnante par sa monumentalité, par la cohérence de son intention et la beauté majestueuse finalement de ses peintures, commandées un peu à tout va, qu'on reste. Alors, il y a un contraste entre cette idée et, comme vous dites, l'histoire nationale telle qu'elle se fait, qui est une histoire clivée, qui est au contraire très clivée. Encore une fois, la monarchie est au contraire répudiée par ses historiens, très largement triée, sauf peut-être chez certains comme Martin, Henri Martin. Qui est plus incohérent, mais par exemple, vous avez là la bataille de Bouvines. Oui, on peut y aller si vous voulez, on va s'avancer. Un très beau tableau à côté de celui de Delacroix. Et chez Michelet, Bouvines, alors ici c'est considéré comme une bataille fondatrice de l'unification et de l'unité nationale, oui. Celle où Philippe Auguste a véritablement, pour la première fois, trouvé l'affirmation monarchique et l'affirmation nationale. Chez Michelet, Bouvines, c'est pas grand-chose. Ça n'existe quasiment pas. Donc voilà un petit exemple parmi d'autres qui vous montre que non, entre l'historiographie telle que les historiens, surtout libéraux, et ils étaient surtout libéraux de l'époque, et la royauté. Et la royauté. Mais on peut comprendre que l'inspiration est d'une certaine façon l'inspiration d'époque. Chez les historiens, c'était après la Révolution, le besoin absolu de retrouver à la Nouvelle-France de profondes racines, même si elles étaient totalement anti-monarchiques. Les dernières phrases de Michelet, c'est, si je m'en souviens, pour dire « J'ai bu trop de fléaux, trop de misère et trop de rois ». Donc, Louis-Philippe était dans l'affaire, si vous voulez. Quoique ça a été écrit beaucoup plus tard que Louis-Philippe, cette phrase. Mais non, il y a une profonde différence entre cette histoire nationale et cette mémoire nationale. Mais je voudrais vous faire remarquer dans cette salle quelque chose qu'on ne souligne souvent pas assez. C'est dans chacun des grands entourages, oui, des listes de monuments, d'officiers morts pour la France, oui, morts de la France. Et qui font songer évidemment à ce qu'a été les monuments aux morts après la guerre de 14 pour absolument nous qui gardent. Et on les remarque pas souvent, mais il y a une espèce d'émotion devant, je trouve pour moi, devant cette espèce de jeunesse aristocratique fauchée sur des champs de bataille dont on a beaucoup tout oublié nous et qui sont sur ces murs. Et il y a quelque chose qui nous donne vis-à-vis de cette galerie, vis-à-vis de cette galerie bataille, un regard un peu plus ethnographique que purement historique ou touristique. Frédéric Lacaille, sur ce point, justement, c'est ce mélange justement, oui, entre ces listes de noms qui nous disent voilà, des gens sont morts pour ces batailles, et pas simplement le côté esthétique de ces représentations. On trouve aussi avec les bustes des hommes qui sont placés entre les tableaux, en fait. Ça, c'est la grande idée de Louis-Philippe d'un musée à toutes les gloires de la France, où chacun, en fait, doit pouvoir trouver un morceau de son histoire, en fait. Et effectivement, tous les Français sont présents, sont réconciliés dans ce grand projet, et alors, en particulier dans la galerie. Et on connaît le programme iconographique. Est-ce que c'est lui qui l'a établi? Est-ce qu'il a laissé faire, disons, ses ministères, travailler ses ministères? On ne sait pas très bien comment. On ne sait pas. On n'a pas beaucoup de sources là-dessus. On suppose qu'il était proche de beaucoup de ses historiens, donc on pense qu'il a eu leurs conseils. Mais on ne sait pas très bien avec qui il a travaillé plus précisément. Et on voit, en fait, lorsqu'on suit les comptes rendus de ces visites, que l'architecte tenait très, très précisément, que, en fait, le projet évolue avec le temps. Le roi n'a pas vraiment un projet préconçu au départ, et il adapte de mois en mois, d'année en année, il modifie son projet, il le transforme, il rajoute une strate de plus. Comme le disait M. Nora tout à l'heure, ce n'est pas une chose qui est sortie tout armée, ce n'est pas un projet qui est sorti tout armé de sa tête un beau jour, c'est vraiment quelque chose qui s'est fait tout au long des 15 ans du règne, voilà, et qui vraiment l'habite, et qui évolue. Et qui, du coup, donne de tout ce règne une idée qui, en ce lieu, s'incarne et qui est assez étrange. Ce type occupé par l'idée de refaire la mémoire de la France. C'est bizarre. C'est étrange, mais vous qui, Pierre Nora, on peut le rappeler, il y a quelques années encore, bataillez contre le projet de Nicolas Sarkozy d'une maison de l'histoire de France, on se dit, est-ce qu'il n'y a pas toujours eu cette obsession, depuis au moins Louis-Philippe, en tous les cas, pour nos dirigeants, que de remettre cet ouvrage sur le métier régulièrement, pour le remettre à jour, oui, d'une certaine façon. Sauf que je n'étais pas sûr que le projet de Nicolas Sarkozy était de réconcilier la mémoire nationale. C'était plutôt de faire l'apologie d'un type de mémoire nationale. Donc, je ne rapprocherai pas les deux projets. C'était une des raisons pour lesquelles je n'étais pas tellement chaud. D'autant que, je vous le rappelle, le projet de Sarkozy était venu dans le sillage d'une enquête et d'une volonté de redonner du nerf à l'identité nationale, à un moment donné où le Front National lui-même était en grande montée. Et c'était donc un projet politicien et stratégique, et pas un projet œcuménique et réconciliateur. Alors on va s'avancer justement à propos de réconciliation. Ce qui ne veut pas dire que ça n'aurait pas pu, à la longue, devenir extrêmement intéressant. Et que, à titre personnel, si vous voulez tout savoir sur ce musée, ce projet de maison de l'histoire de France, j'ai été hostile à ce projet au départ. Mais quand il a été question de le supprimer après le départ de Sarkozy et à l'arrivée de Hollande, je n'étais pas pour, personnellement, qu'il le supprime, mais qu'il le transforme du tout au tout et qu'il lui donne un nouveau dynamisme qui aurait consisté à faire un musée totalement dématérialisé, complètement sur le net, complètement en ligne, et qui permettait de résoudre le problème de la direction, le problème idéologique, le problème des collections, parce qu'il aurait bien fallu prendre ses collections quelque part si on avait voulu faire une maison ou un musée d'histoire de France. Tandis que là, on pouvait faire quelque chose qui va se faire obligatoirement, et qui est l'idée du musée virtuel. Et la France aurait pu le proposer en disant qu'après tout, la France devenait consultable dans son histoire de 7 à 77 ans, de Vladivostok à San Francisco, et où tous les historiens et toutes les collections d'histoire de France auraient pu figurer. Alors, je lui ai d'ailleurs, à Hollande, suggéré ce vœu, mais il m'a dit, ce qui n'était pas faux, ça coûtera quand même encore très cher et nous ne pouvons pas le faire sous cette forme. Et de toute façon, pour nourrir un musée virtuel, il aurait fallu utiliser, et peut-être on peut s'arrêter sur ces questions-là, utiliser toute cette iconographie qui a été composée en partie par Louis-Philippe et les peintres qui l'entouraient à ce moment-là. C'est-à-dire une iconographie assez à l'ancienne. Vous, dans votre livre sur Recherche de la France, bien qui vient de sortir chez Gallimard, vous évoquez tous ces grands historiens qui ont été nos instituteurs, et en particulier celui que vous avez nommé avant tout le monde, l'instituteur national, à savoir Lavis, Ernest Lavis. Et on peut dire que tous les livres d'histoire que nous avons eu en main jusqu'encore récemment ont été nourris par une iconographie qui date maintenant de plus d'un siècle et demi. Et ça, c'est assez étrange. C'est-à-dire que ces tableaux qui sont situés dans le temps, qui sont voulus par un souverain qui était Louis-Philippe, ont fini par incarner l'histoire de France. Alors, est-ce que c'est par accident ou est-ce que c'est parce qu'au bout du compte, on n'avait rien d'autre à se mettre sous la dent, ou que la commande était tellement gigantesque qu'au bout du compte, eh bien, on avait largement de quoi faire avec ces 3000 tableaux commandés par Louis-Philippe pour pouvoir illustrer, pour les enfants des écoles en particulier, l'histoire que l'on voulait raconter, qu'elle soit républicaine d'ailleurs ou qu'elle soit plutôt monarchiste par exemple. Oui, on a utilisé ce qu'il y avait sous la main, ça c'est évident. Mais le virtuel aurait pu, une galerie des batailles comme celle-ci, et qu'il faut quand même venir voir et se renseigner dessus, regarder les tableaux, les dates. Monsieur Lacaille aurait pu faire visiter ce musée où Thomas Gaines discutait avec lui devant, et on aurait eu quelque chose d'extraordinaire pour le monde entier, qui n'aurait pas eu besoin de venir ici pour le voir, et qui serait peut-être venu encore davantage pour l'avoir vu virtuellement. Alors justement, sur cette iconographie, elle a nourri toutes les générations d'écoliers depuis la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle nous dit quand vous la revoyez, vous, aujourd'hui, vous qui avez travaillé autant sur ces historiens? Est-ce que vous parle encore? Non. Je porte un regard d'ethnographe. Je vous dirais que je ne l'habite plus, moi non plus. Je suis une génération intermédiaire qui a grandi dans ce type d'histoire, mais qui en a vécu la fin. Et qui voit très bien dans les jeunes générations auxquelles je parle que ça ne leur dit rien et qu'ils en sont totalement coupés. Et donc, est-ce qu'il faut le regretter? Mon travail est de ces. Je suis historien, moi je ne regrette pas, mais je ne prône pas, je décris et je travaille, j'étudie. J'étudie simplement le fait qu'effectivement, ce type d'histoire, il faut un certain effort pour y intéresser les jeunes gens, les enfants. C'est pas impossible, mais c'est pas facile. Certains, beaucoup de professeurs y arrivent quand même. Et faut-il la garder? C'est un énorme problème. C'est le problème de savoir qu'est-ce que va Jeanne d'Arc dans une histoire mondialisée. C'est plus exactement la même Jeanne d'Arc que vous voyez sur les murs ici, ou que la Jeanne d'Arc de Michelet, précisément, puisque dans l'œuvre de Michelet, Michelet a inventé ou réinventé Jeanne d'Arc après la malédiction du 18e qu'il avait voulu l'oublier. Et je crois que ça représente presque un dixième de son œuvre écrite. C'est le premier de ces livres dont il a... qu'il a extrait de son œuvre et qui ont été, par Louis Hachette, qui créait les bibliothèques de gare, mis dans les bibliothèques de gare. Donc c'est un historien, un populaire extraordinaire, à travers Jeanne d'Arc. Mmh. C'est ça, Jeanne d'Arc, qu'il avait mis le premier livre au fond de bibliothèques de gare. Eh bien, en même temps, il avait mis dans Jeanne d'Arc... tout un symbole qui lui faisait représenter la France depuis la pucelle, l'anti-anglaise, la passion, au fond la passion de Jésus-Christ à travers Jeanne d'Arc, mm-hmm. d'une certaine façon, qu'il a essayé. C'est une image d'Épinal qui a très peu à voir avec l'histoire. Il faut même se dire, je vous le rappelle, qu'au moment où il a écrit la Jeanne d'Arc, le procès de Jeanne d'Arc était en train d'être sérieusement édité et sérieusement critiqué. Enfin, du moins, il ne l'a pas consulté. Ah oui. On le sait très bien, parce que ce n'était pas édité, donc il aurait pu très bien demander à le voir, il ne l'a pas vu. Surtout que l'homme d'archives qui était Michelet, justement... Était... Le directeur des archives qui était Michelet ne l'a même pas vu. Pourquoi ? Parce qu'il a voulu dresser une image romanesque, une image d'Épinal, une image littéraire, dans lesquelles pouvait se projeter toute l'image de la France. Alors, évidemment, c'est quand même porter un jugement d'un type un peu particulier sur ce genre d'histoire et d'historien. Oui, mais c'est ce que vous avez tenté de faire dans les lieux de mémoire. Oui, c'est ce que j'ai tenté de faire, parce que c'est resté. Dire que j'y suis profondément attaché et que je le regrette, ou que c'est pas mon travail, c'est pas mon sentiment, j'ai pas de sentiment de regret ou de vis-à-vis. Il se trouve dans les recherches de la France que en réunissant l'ensemble des principaux articles que j'avais consacrés à l'identité de la France, à sa mémoire ou à son histoire depuis la Révolution française, je me suis aperçu que ça composait d'une façon naturelle et très unitaire une image forte de ce qu'avait été la France dans l'expression et dans le grand âge de l'État-nation. Mmh. Voilà, et c'est ça que j'ai essayé. Et j'ai constaté que depuis 30 ans, cette image disparaissait complètement, se métamorphosait intégralement. Ça ne veut pas dire que c'est la fin de la France, ça veut dire qu'il y a une métamorphose intense et qu'après une identité de type précisément républicaine que ces historiens ont cherché à dresser, et que beaucoup ont réussi à faire en récit extraordinairement prégnant et attachant, que la plupart des paramètres qui avaient défini cette France de souveraineté, d'unité de la langue, d'unité des frontières, d'unité du franc, de tout pour tout dire, lui-même était en perdition, disons, en mutation profonde, dans une civilisation de l'individu qui transforme le rapport au passé par rapport à une civilisation où le collectif était prioritaire par rapport au sentiment de l'individu. Et c'était ça que l'Emmanuel exprimait, c'est que le tout de la nation était supérieur à chacun des individus. D'où mourir pour la patrie, ce qui paraît aujourd'hui invraisemblable, ridicule, et qui va probablement faire le succès du centenaire de la guerre de 14, parce que ça va paraître à la fois, je pense, exotique et bouleversant, à la fois. C'est d'ailleurs une des questions que l'on se pose quand on est face à ces tableaux de la Galerie des Batailles, dans une France en paix, depuis maintenant plus de 50 ans, avec la guerre d'Algérie, que vous avez bien connue, Pierre Nora, sur laquelle vous avez écrit d'ailleurs, en réfléchissant à la question des Français d'Algérie. En l'occurrence, tout cela, ces batailles, on les connaît peu, on les connaît moins. Nos soldats sont maintenant des soldats qui ne sont plus des conscrits, mais qui sont des soldats de métier. Et donc, cet héroïsme, cette bravoure qui est exaltée dans une galerie comme celle-ci, eh bien, parle peut-être beaucoup moins, en tous les cas, aux Français d'aujourd'hui qu'elle a pu parler aux Français d'hier. Mon idée est qu'elle leur parle extrêmement différemment. Et on ne peut pas dire qu'elle ne leur parle pas. De la même façon, la Galerie des Glaces, qu'on ne va peut-être pas voir parce que c'est pas la musique, il n'y a pas de peinture historique dedans, mais elle s'apparente par sa majesté, par son ampleur, etc., à ce lieu où nous sommes. La Galerie des Glaces, qui était un lieu qui a été historiquement, périodiquement réactualisé par le traité de Versailles, par les réunions où c'était Mitterrand, le G7, etc., etc., périodiquement, donc qui continue quand même à exister. Mais personne ne peut les voir, me semble-t-il, sans être ahuri par l'idée que défilaient dans cette Galerie des Glaces des cortèges emperluqués comme des Indiens d'Amazonie, littéralement. Des femmes qu'on ne voyait même plus derrière leurs atours incroyables, des hommes déguisés, fardés. C'est une véritable tribu d'Indiens pour nous qui habitaient la Galerie. C'est plus nos ancêtres, je ne dis pas les Gaulois, mais au moins les monarques. C'est autre chose. On porte, je crois que j'ai eu l'occasion de prononcer ce mot depuis tout à l'heure trop de fois, ethnographique, mais il y a quelque chose comme ça. L'étrangeté, et qui est d'étrangeté. Un mélange de familiarité distante. C'est nous et c'est pas nous. Et c'est ça qui en fait, je crois, à la fois l'attirance et la lointaineté. Frédéric Lacalle, je vous vois sourire à ce que dit à l'instant même Pierre Nora. Ça veut dire que vous ressentez aussi cette familiarité distante, c'est-à-dire cette proximité tout de même de ces personnages qui sont représentés sur ces murs, mais néanmoins une véritable distance liée à la distance du temps et au changement des mœurs. Oui, en même temps, je fais encore partie de ces générations qui ont été bercées avec ces images enfants. Je suis moins sûr que ce soit le cas pour les jeunes générations qui, sans doute, les ont moins vues, d'une manière moins systématique en tout cas. Et je me dis effectivement, tous les visiteurs qui passent là aujourd'hui, dont beaucoup d'étrangers, dans un musée qui est très franco-français, qui est une vision de Louis-Philippe, une vision d'un autre temps, une vision réconciliatrice, et en même temps un musée qui était destiné à affirmer aussi la légitimité de Louis-Philippe. Bah, qui est un manifeste. Tout ça est effectivement furieusement exotique, sans doute, pour l'essentiel de nos visiteurs aujourd'hui. Évidemment, on peut quand même se demander globalement, bon, c'est ce que vous demandiez, qu'est-ce que retient globalement ce tourisme de masse de ce qu'il voit en une après-midi, sans oublier que Versailles, c'est d'abord et aussi les jardins. Et donc que l'ensemble historique est absolument ne peut pas être dissocié des jardins eux-mêmes, qui ont leur présence forte, leur histoire et l'architecture lui-même du lieu. Alors effectivement, on peut se demander qu'est-ce que ces gens qui sont autour de nous, combien, me disiez-vous, monsieur, 20 000 par jour ? Parfois 20 000 par jour, oui, en haute saison. 20 000 par jour, ressort. C'est un mystère. Il faudrait leur demander, en fait. On peut parier que, surtout, ils sont très fatigués. On va, avant d'être fatigués nous-mêmes, nous allons rejoindre... Et que, surtout, ce qu'ils en retiennent, c'est, sur la liste de leur visite à Paris, ils peuvent effacer Versailles. On va rejoindre, donc, un dernier endroit pour notre visite, un endroit un peu plus tranquille, peut-être, Frédéric Lacalle, puisqu'il n'est pas ouvert au public, ou il est ouvert au public, mais moins de public s'y masse, à savoir la salle des croisades, par exemple. On va essayer d'aller voir les salles des croisades, oui, tout à fait, dans l'aile du Nord. Frédéric Lacalle, nous voici arrivés donc dans une troisième partie de cette visite ici à Versailles, de ces galeries de l'histoire, donc, et en particulier un endroit plus calme, on l'entend tout de suite, beaucoup plus calme que là où nous étions tout à l'heure, à savoir ces salles des croisades qui sont momentanément fermées au public. Alors ces salles des croisades sont un projet de Louis-Philippe extrêmement intéressant, Frédéric Lacalle, puisqu'il s'agit pour Louis-Philippe de rendre compte justement de ce moment où les chrétiens sortent d'Europe pour aller tenter de reconquérir et reconquérir le tombeau du Christ à Jérusalem. Ça n'a pas été c'est un projet, là aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un projet évolutif de Louis-Philippe, c'est-à-dire que ça change au fur et à mesure de son règne. Oui, c'est-à-dire que Louis-Philippe a fait de plus en plus de place aux croisades, peut-être justement parce qu'il ne pouvait pas tellement évoquer le Moyen-Âge par ses nombreuses guerres féodales, en fait, qui étaient un peu des guerres fratricides, au fond. Et il s'est dit le meilleur moyen, c'est d'évoquer la guerre en Orient pour une cause incontestable, qui est la délivrance du tombeau du Christ par les croisés. Et en fait, elles sont en même temps un hommage étonnant aux familles, en fait, à la noblesse légitimiste qui avait participé, qui a été le fer de lance de ces croisades, vraiment. Pierre Nora. Pardon. Il y a peut-être aussi, mais je me tourne vers M. Lacaille, il y a peut-être aussi un héritage lointain de ce goût pour le Moyen-Âge très fort à l'époque, à la fois le goût des ruines et l'atmosphère médiévale que lui a monarchisé beaucoup et christianisé beaucoup à travers ses peintures, mais qui rappelle quelque chose de ce fameux musée d'Alexandre le Noir, qui était le premier des musées qui, sous le Directoire et les débuts de l'Empire, a représenté, qui était rue des Beaux-Arts, en face des Beaux-Arts actuels, et qui était le premier musée d'entassement de collections de Moyen-Âge, qui, je crois, se sont retrouvés partiellement ici même, de ces collections du musée Lenoir. Frédéric Lacaille. Oui, le musée Lenoir a été là aussi coulé par Louis XVIII, qui a redistribué un peu des statues, des gisants, des tombeaux aux églises, dont évidemment la basilique de Saint-Denis pour reconstituer la nécropole royale. Et le reste des collections, ce qui n'avait pas trouvé finalement d'usage, a été recyclé en quelque sorte par Louis-Philippe dans son musée de Versailles. Voilà. Alors, il y a ce goût du Moyen-Âge qui est tout à fait présent, d'ailleurs, chez tous les auteurs que vous avez pu étudier dans ce 19e siècle, Pierre Nora, pour Recherche de la France. Ce goût aussi de une certaine authenticité, une certaine force, violence aussi du Moyen-Âge, qui est assez remarquable chez certains des auteurs de ces années-là, puisque vous évoquiez tout à l'heure Jeanne d'Arc, qui avait cette dimension-là, parfois chez Michelet. Mais il y a aussi, pour celui qui est donc le conquérant de l'Algérie, l'idée aussi que les chrétiens se répandent en dehors de leur secteur. On est ici dans des salles des croisades, on voit des sarrasins qui se font massacrer par les croisés. Et en même temps, croisés qui rendent hommage au ciel de la prise de Jérusalem. Oui. Donc il y a toute cette dimension aussi d'une histoire qui est une histoire européenne qui va devenir autre chose au 19e siècle et dont Louis-Philippe est un des responsables, c'est-à-dire la sortie en Méditerranée, en particulier sur le territoire algérien, donc soldats français, la conquête d'un autre territoire qui va devenir une autre France de l'autre côté de la Méditerranée. C'est possible, mais j'aaurais pas d'idée très spéciale entre les croisades et l'expédition d'Algérie. Si vous m'y faites penser, effectivement, il y a peut-être un lien. Je l'avais pas aperçu jusqu'à présent. C'est un tort. Alors donc, quand vous réfléchissez à ces auteurs, à la façon, à leur postérité aussi, à ces tableaux que l'on a vus soit dans la Galerie des Batailles, soit ici, et à la façon dont ils ont été des maîtres d'école pour la plupart des Français. Vous nous disiez tout à l'heure, il y a dans cette Galerie des Batailles quelque chose d'incompréhensible, mais il y a quelque chose aussi à conserver de cet héritage-là. Qu'est-ce qu'on conserve aujourd'hui, quand on est un historien comme vous, de cette histoire-là, après l'avoir étudiée, après avoir passé au crible de l'histoire critique? Qu'est-ce qu'on en conserve de ces historiens que vous avez étudiés avec autant d'intensité, qu'on retrouve dans votre ouvrage Recherche de la France, Pierre Nora, qui s'appelle Michelet, Augustin Thierry, qui s'appelle Lavis ou d'autres? Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans qu'on peut encore utiliser aujourd'hui? Écoutez, moi, ça m'a intéressé pour plusieurs raisons. D'abord parce que je crois que l'histoire a été une des dimensions vraiment très constitutives de la France et de l'identité nationale. Et donc, à ce titre, ça m'a beaucoup intéressé. Bon, d'autre part, moi, je mettrais bien tout ce que j'ai fait en exergue la phrase de mon ami Paul Venn. Il ne faut pas s'intéresser à la France parce qu'on y tient, mais parce que l'histoire de la France est intéressante. Et donc, je vous dirais que c'est beaucoup en historien que je me suis passionné pour une histoire qui est un réservoir inépuisable d'intrigues, d'aventures, de passions, de grandeur, de faiblesses, etc., etc., qui fait que moi, écoutez, beaucoup de gens s'intéressent à la politique contemporaine. Moi, je préfère m'intéresser au passé qu'à l'actuel. Voilà. Et je préfère... c'est tout. La vie m'a amené à m'y intéresser. Point, c'est tout. Alors, qu'est-ce que j'en retiens d'un point de vue plus général et plus civique? Écoutez, je pense que Je pense que, comme disait mon ami Jacques Le Goff, on ne peut pas être orphelin du passé. Et que toute la civilisation contemporaine tend à nous éloigner radicalement de ce type de tradition qui, en dépit de tout ce qu'on en a, est quand même la nôtre. Et que ceux-là même qui viennent en France sont appelés à parler la langue, à s'adapter à cette histoire, à en être eux aussi les héritiers, et que par conséquent, s'en préoccuper, la restituer, l'étudier, est probablement la seule manière de la servir. Mais la servir avec d'autres moyens que les moyens qui étaient utilisés au XIXe siècle. Ah ben, c'est évident. Quels sont les moyens qu'on a à notre disposition aujourd'hui pour rendre cela? Ce qu'on voit ici, ces tableaux qui sont assez magnifiques, en même temps qui sont, on l'a dit, effectivement, très loin de nous, d'une certaine façon, pour rendre cela attrayant pour celui ou celle qui s'intéresse aujourd'hui à l'histoire de France. Il faut les décrypter, comme on dit, il faut les relire autrement, il faut leur donner un contexte qu'on n'a plus naturellement, d'une certaine façon. Mais il faut faire ce que j'ai essayé de faire, point. Mais, non, mais, c'est vrai, c'est... mais deuxièmement, pour dire plus sérieusement... Ce qui est frappant dans notre époque, c'est à la fois la fin de cette histoire dans laquelle nous avons vécu, été grandi, et la présence encombrante, omniprésente, je dirais, du passé. Il suffit de lire la littérature, d'aller au cinéma, de consulter les jeux vidéo, d'aller dans... le tourisme tout entier est un tourisme historique et culturel aujourd'hui. La moindre bribe d'histoire dans un patelin quelconque, c'est ce que le maire cherche à mettre en valeur et c'est ce que les touristes vont regarder et voir. Donc, ce passé dont on prétend que nous sommes coupés, nous en sommes coupés en filiation directe, mais nous en sommes imbibés en atmosphère indirecte. Ça me frappe énormément, et les jeunes générations aussi. Et elles sont, vis-à-vis de ce passé qui les encombre un peu, qui les accable peut-être un peu, ils ont une atmosphère allusive, ludique, distante. Ils jouent avec ce passé. Mais écoutez, toute la jeune génération des historiens de 40 ans, ils sont fascinés par l'histoire de la guerre, qui représente une sorte de réservoir, effectivement, d'une aventure immense qui les domine et qu'ils n'ont pas faite pour beaucoup, et qu'ils n'ont pas faite, évidemment. Donc, ça me frappe. Et plus lointainement, regardez le retour du Moyen-Âge, puisque nous sommes ici dans la salle des croisades, sous des formes totalement différentes à travers ce qu'on appelle aujourd'hui la fantaisie, c'est-à-dire une forme de merveilleux, depuis Harry Potter jusqu'au retour du roi Arthur, sous toutes les formes. Ce Moyen-Âge continue à être présent, mais nous ne l'habitons plus de plein pied. Alors, il y a évidemment cette dimension nationale que vous avez recueillie dans ce travail et cet ensemble de travaux sous le titre « Recherche de la France », Pierre Nora. Mais il y a aussi la nouvelle dimension appelée des vœux de certains, à savoir cette dimension mondiale. Comment faire en sorte que les deux marchent de plein pied ou marchent ensemble? C'est-à-dire garder cet héritage que vous voulez ne pas voir détruit d'une certaine façon, Pierre Nora, et en même temps ouvrir au grand vent cette histoire française, donc de la France, avec l'histoire du monde telle qu'elle est en train de s'écrire. Écoutez, ça dépend beaucoup du niveau auquel on se place. Si c'est l'enseignement primaire et secondaire, ou si c'est le niveau de la recherche universitaire. Il est de fait qu'au niveau de la recherche universitaire, l'ouverture ou une certaine forme d'ouverture à l'ensemble du monde, des empires précoloniaux, par exemple, en Afrique ou en Asie ou en Chine ou partout, est aujourd'hui ce qui se fait. Et tant mieux qu'on fasse peut-être un peu moins d'histoire purement nationale et qu'on s'ouvre à l'histoire du monde. Encore que ce qui me frappe, c'est qu'on s'y ouvre avec les mêmes type de méthode qu'on faisait l'histoire nationale. Ce n'est pas une autre histoire, c'est un questionnaire qui enrichit l'histoire traditionnelle. Et puis, il y a l'enseignement de base, je dirais. Et alors, réflexion faite, et je le dis avec une certaine timidité, parce que je ne suis pas professeur moi-même de base, il me semble que l'histoire nationale est, ou l'histoire de France tout simplement, est quand même appelée à être l'histoire du pays dans lequel tout le monde va vivre et va essayer de vivre ensemble. Alors il peut être très difficile de savoir comment faire une histoire française ou une histoire de France pour tout le monde, mais ça c'est un problème, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la faire, cette histoire de France. Donc que ce soit une certaine difficulté d'adaptation pour faire une histoire qui ne soit pas ou glorificatrice ou accusatrice, c'est évidemment un problème auquel on se collette tous les jours, mais je crois que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'abord et avant tout apprendre cette histoire de France aux très jeunes et spécialement à ceux qui sont les enfants des gens arrivés, des immigrés pour tout dire, parce que c'est quand même le pays et la langue dans laquelle ils sont appelés à se développer et à vivre. Et quand vous voyez ces discussions, ces polémiques qui sont récurrentes sur ces programmes justement de l'école qu'on entend encore cette année après les avoir entendus l'année précédente et encore l'année d'avant, avec des changements réguliers, récurrents de ces programmes, qu'est-ce que vous en pensez, vous qui n'enseignez pas évidemment dans ces écoles, Pierre Nora, qui regardez ça en historiographe, avec l'évolution justement de cette histoire? Je pense que c'est extrêmement difficile de faire apprendre de plus en plus d'histoire dans le moins de temps possible. Donc, vous réduisez les horaires et la place de l'histoire dans l'enseignement primaire, secondaire surtout, et en même temps, vous faites des programmes de plus en plus importants, imposants et sophistiqués, que les professeurs ne peuvent ni assimiler et évidemment ni transmettre. C'est donc la nécessité de réouvrir le nombre d'horaires ou avoir plus d'horaires. Ou à essayer d'avoir plus d'horaires, mais je me rends bien compte du problème. Ou essayer de réduire à quelque chose qui est à la fois plus basique, mais qui malgré tout respecte la chronologie et donne une forme de vision d'ensemble et de relativité des temps qui est l'essentiel de ce qu'on doit transmettre. Merci Pierre Nora de ce message qu'on retrouve dans Recherche de la France, votre livre chez Gallimard, qui est un ensemble de textes. Beaucoup d'entre eux ont été déjà publiés, en particulier dans les lieux de mémoire, mais il y a d'autres sources à cet ouvrage, puisque le plus ancien d'entre eux, me disiez-vous, date de 1961, je crois, oui. Dans cet ouvrage de Recherche de la France. Et nous vous quittons donc ainsi que Frédéric Lacaille, que nous remercions de nous avoir accueillis ici, dans cette salle des croisades, sous l'œil de Bohémond Ier, prince d'Antioche, donc, ou de Roger Ier, comte de Sicile, avec évidemment les blasons d'Aude Ier, duc de Bourgogne, ou de Robert II, comte de Flandre. Merci Pierre Nora d'être merci à vous, venu Emmanuel ici Laurentin. Donc dans ces galeries d'histoire de nous avoir guidés de Versailles. Merci. Et donc nous continuerons cette semaine en nous interrogeant justement sur ce royaume, ce roi qui a été le roi Louis-Philippe, dans d'autres émissions de la Fabrique de l'Histoire. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Vonne Abolivier et Aurélie Marcet. Hervé Dubreuil était à la prise de son et Renaud Delmar à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur notre site www.franceculture.fr. Vous pouvez ici aussi laisser vos commentaires sur ces pages ainsi que sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire. Demain, nous traiterons d'une tentative de communauté justement à l'époque de Louis-Philippe, mais qui a continué jusqu'à aujourd'hui en se transformant tout au long des temps. Une tentative de communauté utopique en Île-de-France.